et le frappe, frappe encore sa langue et ta vie de sang. Romulus est bâti un empire où règne un tyran. La lourdeur renverse le sang de nos sœurs, de nos frères, de ses cruelles sèmes. La désolation est sur égale de nos chers. Divisés pour mieux régner, tels sont ses mots d'or. Hypocrisie, strass et paillettes sont les artifices de sa cité. Grande ouverte sa gueule et elle veut qu'on s'y jette. Différent d'Hélénus, de ses charmes pour mon père. Nous sommes comme un troupeau sans pasteur, martyrs des loups de Babylone, victimes de leur terreur. Plus de paisibles, plus de verts pâturages. Babylone a réduit Gaïa en un immense champ de vestiges. Multo a saisi le petit et le grand bouclier. Ils défont la brebis et l'agneau de tout obscurantisme. Pour armer dans le savoir des mots et de la rime. Il est initié à l'endurance et à la liberté. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs Babylone. Que de tes cendres naisse la liberté. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs Babylone. Que de tes cendres naisse l'égalité. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs Babylone. Que de tes cendres naisse la fraternité. Pas celle qui nous ment, pas celle dont tu nous parles, pas celle qui nous impose. Une bande de charognards accro au pouvoir. Ils se disputent la carcasse du monde et sans salade. C'est un bras dévoré la chair. Pense un billet fier. Avec les mensonges de rigueur. La lanterne jure sur l'honneur. Un arôme de peur pour déguster la saveur de la domination suprême. Asservissement à l'extrême. Et si un maillon de la chaîne défie son engrenage, on l'emprisonne, on l'enchaîne. On contrôle les dérapages, pas violent en guise de ménage. La justice est dans leur cage. Robin ne t'égare pas. On est beaucoup dans ce cas. Ils nous sont bien moins nombreux et finiront par se mordre la queue. Contre une ordre de révolter, le capitalisme ne fera pas le poids. Si on sait signifier contre leur oppression, insoumission et rébellion sont les clés de la révolution. Ils n'ont pas de pitié pour nous, on n'en aura pas pour eux. Affamer le peuple meurt, car Babylone déporte tout. Car Babylone déporte tout. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs Babylone. Que de tes cendres naisse la liberté. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs Babylone. Que de tes cendres naisse l'égalité. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs Babylone. Renaître la fraternité. Pas celle qui nous manque, pas celle dont tu nous parles, pas celle qui nous impose. Qui nous impose, qui nous impose. De Gaza, de Gaza, de Gaza, de Gaza, de Gaza à Kinshasa, d'Afghanistan au Rwanda. Les loups ont semé leur haine. Na Gaza, Athéna, Kinshasa, na Afghanistan, na Rwanda, Bamboya, Zamba, Bagosa, la Bobé. Les conflits lourds de l'armée, occidentalement subventionnés. Moto Mandela, Kopelissa, Moto Yabitumba. Des hommes riches dans le noir, en euros ou en dollars. Bamboka, Yabitolo, na Euro, tona, dollar. On laisse les milices faire et on achète les diamants de guerre. Bakotika, Mabinga, Kosala, Nungu, Nungu, Pona, Mabanga, Yatalo. De Gaza, Kinshasa, d'Afghanistan, Rwanda. Les loups ont semé leur haine. Na Gaza, Athéna, Kinshasa, na Afghanistan, na Rwanda, Bamboya, Zamba, Bagosa, la Bobé. Des conflits lourds de l'armée, occidentalement subventionnés. Mandela, Kopelissa, Moto Yabitumba. Des hommes riches dans le noir, en euros ou en dollars. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs Babylone. Que de tes cendres naisse la liberté. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs Babylone. Que de tes cendres naisse l'égalité. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs Babylone. Que de tes cendres naisse la fraternité. Pas celle qui nous manque, pas celle dont tu nous parles, pas celle qui nous impose. Meurs, meurs Babylone, meurs, meurs.